Aumône ou charité. Aumône ou charité. As-sadaqa. L'aumône ou charité est un acte volontaire, quelle que soit sa forme, accompli en vue de plaire à Allah. Ce peut être une dépense en argent, en nourriture, en vêtements ou autre, comme la transmission d'une science. L'aumône est une action vertueuse que l'islam considère comme une preuve de foi, iman, comme rapportée par l'imam muslim. Allah le Très-Haut encourage les musulmans à donner l'aumône. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Ô vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses que vous avez honnêtement acquises. Sourate la Vache, verset 267. Assurément, Allah le Très-Haut rétribuera ceux qui donnent l'aumône. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Quoi que vous dépensiez, Allah vous en récompensera pleinement, et vous ne serez pas lésés. Il dit aussi, ce que vous avez donné en guise d'aumône par laquelle vous recherchez le visage d'Allah, vous le retrouverez en récompense décuplée. Allah le Très-Haut accroîtra ce qui a été donné en aumône et rétribuera pleinement et abondamment les personnes ayant accompli cette œuvre. Cependant, l'aumône doit être accomplie sincèrement pour la cause d'Allah et elle doit provenir de sources licites, car Allah n'accepte que ce qui est pur. Néanmoins, il est bon de mentionner ici que l'aumône ne se réduit pas seulement à l'aspect financier. En fait, chaque action louable, accomplie par le musulman, est une forme d'aumône aussi longtemps qu'elle vise la satisfaction d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Pour chaque articulation du fils d'Adam, il y a une aumône à donner chaque jour ». Agir justement entre deux personnes est une aumône. Aider une personne à monter sur sa monture ou lui mettre ses bagages dessus est une aumône. Une bonne parole est une aumône. Chaque pas accompli pour se rendre à la prière, à la mosquée, est une aumône. Et ôter du chemin ce qui peut nuire aux gens est une aumône. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a aussi dit « Chaque tasbih, c'est-à-dire dire Subhanallah, gloire à Allah, est une aumône. Chaque takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand, est une aumône. Chaque tahmid, c'est-à-dire dire Alhamdulillah, louange à Allah, est une aumône. Chaque tahlil, c'est-à-dire dire « La ilaha illallah », il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, est une aumône. Enjoindre le convenable est une aumône, interdire le blâmable est une aumône, et la relation intime entre l'homme et sa femme est une aumône. Hadith rapporté par l'imam musulman.